Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit, par rapport à qui, à quoi. Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais du coup. Moi je pense que. Donc, Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est. Disons que. Et que voilà quoi. Et je me dis que. Moi je pense bêtement. Mais alors, j'en suis pas si sûre. Bah ça dépend, enfin. Moi je trouve personnellement, moi je suis. Je crois quand même que. Mais non, mais enfin tout le monde. Non, disons. Enfin, je veux dire. Moi je trouve. Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté. Trop d'infos tue l'info. Trop d'infos tue l'info. C'est pourquoi, ben, avec toute cette information, tous ces moyens techniques qui nous permettent de connaître mais tout, mais vraiment tout et n'importe quoi, eh bien, je me suis amusée à écouter la première. Que choisir ? Ben oui, que choisir comme info. Que donner comme nouvelles du monde? Je me suis amusée à faire ça toute la semaine, à enregistrer. Ça dure pas longtemps. Hein. Après, bon, les gens développent ce qu'ils ont à dire, mais dans un premier temps, ils citent, voilà, les sujets qu'ils vont aborder. C'est marrant. C'est vraiment marrant. Et c'est un point d'interrogation. Pourquoi ce sujet-là et pas un autre? Le journal vous est présenté par François Kirsch. Et cette question, François, Dominique Strauss-Kahn est-il un proxénète? La question à laquelle la justice française devra répondre. Le procès du Carlton de Lille débute aujourd'hui. Le tout est de savoir si DSK savait ou ne savait pas que les femmes avec qui il avait des rapports sexuels étaient des prostituées. Ces agissements sont-ils légalement punissables ou seulement moralement répréhensibles? Alors la grosse intrigue, hein, je me lève le matin, j'entends cette info-là, je me dis, bah ouais, le gros salaud, est-ce que c'est un méchant là, intrigue. On ne peut pas continuer à faire pression sur des pays en pleine dépression. Barack Obama, le président américain, a donné son avis sur la situation en Grèce. Deuxième fois, allez, Barack Obama, c'est quoi ton avis? Intrigue. Encore au filet, parfois elle se trouve vraiment cruche. Marie Carte, joueuse de badminton assidue, a 101 ans. À 8h15, une nouveauté chaque mois, le rétro d'un mois d'actualité. Dans un instant, coup d'œil sur janvier, puis à 8h23, le banc d'essai nous plongera dans la bande dessinée numérique. La première. C'est l'heure de retrouver le journal avec Sophie Brem. C'est à la une de ce journal cette récompense qui met à l'honneur un bourgmestre belge. Il gère la ville de Gand depuis 8 ans. Daniel Termon a été nommé comme deuxième meilleur bourgmestre au monde. Un homme heureux, nous l'avons contacté ce matin. T'imagines quoi, l'info qui tue, putain, à Gand quoi, en Belgique quoi, ça se passe en Belgique quoi, c'est le deuxième meilleur bourgmestre au monde, incroyable, mais ce qui est marrant c'est qu'on dit pas, enfin, moi j'ai jamais entendu parler et surtout on dit pas pourquoi c'est le meilleur. Un projet au Parlement wallon pour aider les candidats locataires, l'idée serait de leur permettre d'étaler le paiement de la garantie locative réclamée par les propriétaires. Faire un bébé à trois, ce sera peut-être bientôt autorisé au Royaume-Uni. Le Parlement doit se prononcer aujourd'hui sur un texte qui autorise à concevoir un bébé avec trois parents. Explication dans ce journal. Après Londres, la Belgique accueille une grande exposition consacrée à Paul Smith, le grand designer anglais. Nous l'avons visité pour vous. Ce sera à 8h15. À 8h25, nous allons essayer d'acheter des vêtements éthiques. Et puis, juste avant le journal de 8h30, direction New York pour notre carnet du monde. Le journal vous est présenté par Sophie Brems. C'est la une de l'actualité, les représailles de la Jordanie. Oui, la Jordanie a exécuté cette nuit deux djihadistes condamnés à mort. Une réponse à l'acte atroce du groupe terroriste État islamique par rapport aux pilotes jordaniens. La journée mondiale contre le cancer. Aujourd'hui, nous rappellerons quelques conseils qui permettent notamment d'éviter de contracter cette terrible maladie. Et puis la Belgique a décidé de rapatrier 200 tonnes d'or qui se trouvent actuellement dans des coffres-forts en Grande-Bretagne. Valeur plus de 6 milliards d'euros. De l'or, ça c'est la bonne nouvelle, de l'or, de l'or! L'AFSCA, l'Agence fédérale de la chaîne alimentaire, fête ses 15 ans. Qu'est-ce qui a changé dans notre vie de tous les jours depuis sa création? Le point à 8h15 et à 8h23, le cinéma avec Hugues Daillé. La première. Bienvenue à tous, le journal de 8h de ce jeudi 5 février vous est présenté par François Kirsch. Et dans l'actualité, François, la BCE qui a surpris tout le monde hier soir. La Banque Centrale Européenne a annoncé qu'elle laissait les banques grecques se débrouiller toutes seules. Fini le traitement de faveur et grosse pression sur Athènes. Une taille de guêpe et des jambes fines comme des talons aiguilles. C'est l'inaccessible étoile, une minceur qui pèse lourd sur les épaules des femmes. Une proposition de loi a été déposée pour que les pubs avec des photos retouchées apparaissent telles qu'elles sont. Un canon de beauté trafiqué. Un nouveau rapport de l'ONU dénonce l'utilisation d'enfants comme bouclier humain par les djihadistes de l'État islamique et parmi beaucoup d'autres horreurs. En fin de journal, nous vous emmenons suivre un match de foot de l'équipe du Congo sur une chaîne de télé allemande dans un salon de coiffure de Matongi. Quel beau programme! À l'occasion du salon des vacances dans nos développements, nous partirons en Tunisie, invité d'honneur de ce salon, un pays en situation délicate. Ce sera aux alentours de 8h15. Trop d'infos tue l'info. Trop d'infos tue l'info. Allez, c'est parti. On est au café de l'Union. Tu dis ? On est aux Brasseries de l'Union. Oui, en plus, je fais bien gaffe à chaque fois que je le mets sur Internet de ne pas dire café, mais de la brasserie. Oui. Et pourquoi tu aimes bien cette nuance ? C'est le nom, Brasserie de l'Union. C'est pas le nom n'est pas café de l'Union, c'est la Brasserie de l'Union. Ok, ok. Donc, c'est la Brasserie de l'Union Saint-Gilloise qui se trouve sur le parvis de Saint-Gilles. On peut dire ça comme ça ? Oui, 55. Numéro 55, rue du Parvis. À Saint-Gilles. D'accord. Et ici, en face de moi, j'ai l'exclusivité de rencontrer le patron, le propriétaire, le tenancier. Comment on dit ça ? Le tenancier. Le tenancier ? Oui. Tenancier. Je tiens l'union. Tu tiens l'union, vous tenez l'union. Oui, je tiens l'union. Ben, enchanté, Bart. Enchanté, j'ai oublié ton nom. Oui, moi, c'est Graziella. Ah oui, enchanté. Et ben voilà, nous, on se rencontre parce que de toute façon, ici, c'est vrai qu'il y a un projet radio un peu avec les Brasseries de l'Union. On ne sait pas ce que ça va devenir, hein. Mais en tout cas, il y a une tentative de se donner la main pour faire quelque chose d'un peu créatif, artistique. Ça, c'est une chose. C'est pourquoi, je crois aussi, on se rencontre. Hein. Je ne sais pas si ça... Oui, ça aurait pu me venir à l'idée de me dire « Tiens, je vais rencontrer le tenancier de l'Union, Monsieur Barthes », mais ce n'est pas si sûr. Donc, comme il y a ce projet qui nous relie, Barthes, Ben, j'avais envie de te rencontrer un peu plus. Voilà. Tu peux un peu raconter, est-ce que tu connais, depuis combien de temps tu tiens ce café, cette brasserie de l'Union Saint-Gilloise? Tu la connais depuis quand, en fait? 17 ans. 17 ans et j'en ai resté que 2 ans. Et je suis encore toujours là. Pourquoi tu n'allais rester que 2 ans? Parce que c'était le projet, c'était ça. J'allais aider l'ancien propriétaire Jean-Claude pendant 2 ans ou 3 ans. Et après, j'allais aller autre part. C'était pas vraiment mon métier. Moi, je suis cuisinier à la base. Et à un certain moment dans ma vie, je ne savais pas. J'étais un peu dans un impasse dans mon boulot et on m'avait proposé de venir ici. Je suis venu et la vie a fait que, c'est pas parce que j'adorais directement tenir un café, c'est plus gai de l'autre côté du comptoir, un bistrot. Oui, c'est plus gai de servir les gens, c'est ça que tu veux dire? Non. C'est plus gai d'être client dans un café. Ah, oui. Bon. Tenir un café, ben, c'est du boulot. C'est du boulot. Les gens te racontent tout le temps, beaucoup de fois les mêmes conneries que tu entends de différentes personnes. Ce n'est pas si gai d'être derrière un comptoir. Tu vois. Ben, quand même, tu... Pour rester 17 ans, on peut dire quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé. T'es pas forcé non plus. Non. Mais je veux dire, c'était pas. Je suis pas arrivé ici. Je dis tiens, ah, je veux faire ma vie ici. Je suis ici arrivé avec une femme et 2 enfants. On a divorcé. On a divorcé. On a fait l'union à deux ensemble avec un autre bistrot. Avec le temps, je me suis retrouvé seul ici. Mon associé du départ est resté en ville. Moi, je suis venu ici et Saint-Gilles était quand même, il y a 15 ans, très populaire. Il y avait quand même, et quand je dis populaire, aussi beaucoup de misère. Beaucoup de gens qui étaient dans les bistrots du matin jusqu'au soir, beaucoup de toxicomanie, beaucoup de d'alcoolisme, mais aussi beaucoup de gens très intéressants. C'était une chouette commune, finalement. Pourquoi tu parles de ça au passé? Pourquoi tu dis c'était... Oui, mais c'est peut-être moi qui vieillis. Ça a beaucoup changé. Je dis pas que c'est devenu mauvais ou que ça s'est amélioré. C'est simplement changé et... parfois, j'ai un peu peur que Saint-Gilles va devenir un peu comme un Watermal-Boisfort. Ce qui était charmant et gai à Saint-Gilles, que c'était un peu rock'n'roll, un peu populaire... ça part. Année sur année... Non, moi, je crois que ça ne peut pas partir, Bart. Enfin, oui, peut-être toi, tu dois le voir sur le temps. J'imagine qu'il y a moins de gens populaires. C'est ça que tu dis. Donc, t'as quoi à la place, alors? T'appelles ça comment? Je ne sais pas. Les gens qui habitaient ici avant, il y en a beaucoup. Ils savent plus payer les loyers ici. Ça, c'est une réalité. Les commerces aussi, ça change. Quand moi, je vais à White Night, pour moi, c'était Place du Châtelet, Place du Châtelet, c'était au centre-ville, près du Sablon. Maintenant, quand je vais ici, les signes sont évidents. Dans 15 ans, c'est un peu équivalent. Et du coup, les loyers augmentent, les commerces changent, les prix... Des consommations ou de la nourriture changent, les bénéfices tu dois faire plus de bénéfices pour payer ses loyers, tu vois, et ça change. Et ça devient tout à fait une autre dynamique. Maintenant, c'est peut-être parce que moi... Moi, je suis arrivé ici, j'étais jeune. Et je voyais la génération précédente finir, se préparer pour partir. Et du coup, moi, maintenant, moi, je suis la vieille génération ici. Et je vois les nouveaux arriver. Et ça change. C'est très bizarre. Moi, je trouve ça bizarre de voir ça, comment ça change et comment ça sent bourgeoise ici aussi. Tu vois, la clientèle d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le début et que moi, je reste quand même... les prix sont quand même très bas. J'essaie quand même de garder les prix les plus bas possibles. Je ne sais pas. Parfois, ça me fait un peu peur, j'avoue. Quoi ? Qui te fait peur ? Ce changement. Ouais. Mais je pense que beaucoup de gens ont un peu peur du changement. Mais... Parce que c'est une évolution, ça ne s'arrête pas à un certain point. Ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Du coup, que Saint-Gilles... est devenue une des communes plus chères pour y habiter. Je ne suis pas que patron d'un bistrot, je suis aussi conseiller au CPS. Et je vois comment les gens qui n'ont pas un revenu de 2000 euros par mois, comment ils ont dur de payer des loyers et en plus l'énergie qui a tellement augmenté. Moi, quand j'étais jeune, le loyer et les charges, c'était un tiers de ton chômage ou de ton revenu de jeune. Hein? Maintenant, c'est deux tiers. Et à un certain moment, beaucoup de gens que je connaissais du début vivent maintenant à Laeken, près de Skarbek, Molenbeek. Et ça ne va pas s'arrêter. Et à un certain moment, moi aussi, avec mon bête café, je vais faire tâche et ça devenir... un bar du matin ou un genre maison du peuple. Bon. Bah pour le moment, ton café, comme tu dis, ça va, quoi. Il a un petit cachet, tu dois pas trop chercher aussi le client, quelque part. T'as cet avantage-là aussi, non ? Non, non, non, non, non. Le client, il est là, de toute façon. Le client est là. Ça ne dépend pas que des clients. À un certain moment, il y a quelqu'un qui va offrir, parce que moi, je suis locataire, et il va offrir, je sais pas moi, il va parler avec mon propriétaire, ou mon propriétaire va vendre. Moi, je sais pas acheter toute cette baraque ici. Ça va comme ça. Il y a tellement de commerces qui sont disparus dans des coins, des cafés populaires, ça n'existe plus. D'ailleurs. Maintenant, c'est tous des bars branchés où tu dois te servir au comptoir. Un peu tous les mêmes, tu vois, finalement. Quand on a... Allez, moi, je trouve, hein, quand on a vu une, tu les as tous vus. C'est tous le même ambiance, le même style. Quand je passe devant beaucoup de cafés, tout le monde est tout seul à une table sur son MacBook. Ici, les gens se parlent et se rendent compte qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont... sur leur MacBook. Oui. En tout cas, ça parle beaucoup de la crise d'argent, de tout ça, quelque part. Hein. C'est ça que tu as envie d'aborder comme sujet. Bah oui, la crise, elle est là. Et je le vois tout le temps. Et il me fait peur. Et je vois que de plus en plus, on perd nos droits sociaux où nos parents se sont battus pour. Ça disparaît. Tout doucement. Mais sûr et certain. Oui, ça me fait peur. Surtout que j'ai aussi des mômes, tu vois. Ça me dit, qu'est-ce qu'on laisse derrière tout devient... Mais de nouveau, je me pose souvent la question, je dis, mais c'est peut-être parce que tu vieillis, tu comprends plus le bazar. Mais ça me laisse, tout devient compliqué, tout devient très compliqué, plein de règles, tous les années... Le premier dans le journal, dans le nouveau journal, tu reçois tous les nouveaux lois qui se mettent sur les anciens. Je dis, mais à un certain moment, ça doit s'arrêter quelque part. Tu vois, dès qu'il y a, je trouve que les politiciens, c'est plus des politiciens, c'est des managers de crise. Et chaque fois qu'il se passe quelque chose, ils doivent faire un petit règlement pour essayer d'éviter que ça ne passe plus. Mais tu vois, mais la vie est comme ça. Il y a des accidents, il y a des trucs, des gens meurent tout le temps. Tu ne sais pas éviter que quoi que ce soit se passe. Et, maintenant, je vois la génération de politiciens. Hein, c'est tout des gars qui sortent recrutés tout droit de l'UNIF, qui n'ont jamais vécu dans la vraie vie. Quand moi j'étais jeune, les politiciens, il y avait tout là-dedans. Il y avait des ouvriers là-dedans. Il y avait des gens qui venaient du milieu syndical. Non, maintenant, c'est tout des étudiants de droit. Des universités qui sont recrutées à 25 ans, ils sont sur un cabinet, ils ont un beau salaire, ils ont un petit costume là, avec le pantalon bien serrant et les petites vestes bien serrant, et hop, ils sont partis. C'est des clètes. Des clètes. Mais c'est sûr, de toute façon, on est dans un monde compliqué. Et, compétitif, extrêmement compétitif aussi. Oui. Bah, du coup, ça te donne pas envie de faire autre chose et autrement? Autre chose, autrement, je sais pas. Je ne sais pas. Non. J'essaie, on essaie encore de faire ça ici comme c'était avant, tu vois. Sympa, pas trop de chichi. Ici, pas grand chose a changé, hein. On sert encore les clients d'une même façon qu'il y a 15 ans. Nous, on n'a pas changé. C'est la clientèle qui change. Et s'ils ne sont pas contents, ben, il y a des autres bistrots. Moi, je reçois parfois des... Je vois parfois des... Maintenant, tout le monde peut mettre son avis sur Internet aussi. Hein. Tout d'un coup, tout le monde est critique de bistrot et critique de magasin. Le plus grand plouc se trouve grand critique maintenant. Hein. Tout le monde a un blog, tout le monde se prend pour journaliste. Et je lis sur les blogs les gens qui disent « Ouais, c'était quand même pas si propre » ou « La nourriture ci, la nourriture là ». On fait la même chose depuis 17 ans. C'est comme ça. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Non, sûr et certain. Et je te dis, les gens qui sont arrivés ici, qui arrivent ici maintenant, ils ont des autres exigences d'un bistrot. Mais il y en a des autres. Nous, on est restés comme on est. Je ne vois pas pourquoi je changerais. Et qu'est-ce que tu aurais aussi à dire sur les 15 ans qui ont passé? Peut-être quelque chose de positif, parce que le discours que tu dis, ben, on le connaît un peu. Hein. Le monde a changé, c'est plus ce qu'il était. C'est... Enfin voilà, on le connaît. Non, oui, le monde a changé, il n'est plus ce qu'il était. Mais positif... Mais je n'ai jamais dit que c'est négatif. Ça a changé. Je dis ça au début. Je ne dis pas que c'est négatif. Ça change. Mais tu dis pas clairement que c'est négatif, mais si on te réécoute, tu dis quand même que voilà, c'est la galère. Tu le dis pas avec ces mots-là. Moi, je résume, mais non, c'est pour beaucoup de gens, c'est la galère. Et j'ai quand même de l'empathie. Tu vois, nous, on est ici dans le bistrot, ça fonctionne bien. Mon personnel gagne bien sa vie. Ils viennent travailler. Ils sont contents de venir travailler. Ils ont une chouette vie à côté aussi. Tu vois, ils peuvent payer. Ils sont pas dans la merde. Ils peuvent payer leur loyer. Tu vois, ils ont la vie. Mais normal, je dirais. Oui, normal. Mais ça doit être comme ça normalement. Ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas de beaucoup de gens. Ce n'est plus le cas que les gens bossent et quand même le 20, c'est déjà un gros stress parce qu'ils savent plus. C'est un stress. Quand tu ne sais plus, est-ce qu'on va arriver jusqu'au fin du truc. Moi, je suis juste occupé ici avec mon petit coin. Mais ce qui est positif, Bruxelles bouge. Bruxelles, plus qu'avant. C'est ça. Non, mais ce qu'il y a surtout, moi, ce que je crois comme ça, sans connaître tout, moi, ça fait pas 15 ans que je connais... Enfin, voilà, je traîne pas dans le quartier. Mais ce que je trouve intéressant avec ton café, ta brasserie de l'Union, c'est que ton public, il est là. Tu dois pas le chercher, quoi. Tu sais, il y a des... Et je suppose que tu gagnes bien ta vie. Tu dis que les gens qui travaillent pour toi ici aux brasseries, bon, gagnent bien leur vie. Mais du coup, toi aussi, tu dois pas chercher le client comme à certains endroits dans Bruxelles, par exemple. T'as vraiment pignon sur rue ici, quoi. T'es consciente de ça? Attends, d'un coup de pignon sur rue, il y a un certain moment, le parvis était quand même un coupe-gorge. Tu vois? C'est pignon sur rue. Non, on crée une ambiance. Apparemment, il y a une clientèle qui veut venir boire un verre simplement dans un bistrot qui ressemble à un bistrot qu'ils ont connu. Je ne me suis jamais posé la question pourquoi les gens aimaient bien venir ici. Ce serait peut-être intéressant que tu te la poses. Ben, je n'ai jamais dû le poser parce qu'ils ont toujours été là. Mais c'est aussi parce que il y a encore un contact. Je vois les gens arriver ici, que je dis, tiens, toi, c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu. Et quelques semaines après, il est en train de parler avec des gens. Le truc, quand tu vas dans un bistrot, ben, c'est, il y a un certain temps, il y a des gens qui viennent dans un bistrot pour vite boire un verre, manger un petit bout et continuer leur boulot. Il y a aussi des gens qui viennent le soir parce qu'ils sont seuls. Il y a beaucoup de solitude aussi à Bruxelles. Et comme c'est quand même un public mélangé, ben moi j'ai des petits vieux qui viennent tous les après-midi boire deux, trois verres, ils parlent avec des jeunes. Tu vois, ça j'aime bien à mon bistrot, que ça se mélange. Un peu moins qu'avant, mais ça se mélange quand même. Voilà, ça c'est positif. Ben oui, mais il y a plein de positifs. Oui, j'ai peut-être été un peu sombre. C'est parce que je suis dans un moment que je dois réfléchir. Tu vois, j'ai renouvelé le bail. Qu'est-ce que je vais faire les prochains 10 ans? Je suis aussi un peu... Je me pose un peu de questions. Et les dernières élections et comment la politique évolue, oui, ça me rend un peu sombre. Oui, j'ai un peu... Il faut quand même dire, ça évolue pas dans un sens positif. Maintenant, on a un peu d'espoir, ce qui s'est arrivé en Grèce, et ce que les gens commencent à venir dans les rues en Espagne contre cette austérité et ce grand capital. Et qu'on retourne un petit peu de nouveau, tu vois, aux commerçants et les petites commerces de proximité, et que ça devient un peu plus humain et qu'on est plus sous cette dictature de toutes grosses boîtes. Ça me donne un peu plus d'espoir, mais depuis les dernières élections, j'ai dit, putain, tu vois, en Flandre quand même, le nationalisme qui... Moi, j'ai quitté la Flandre. Si je suis ici, c'est parce que quelque part, je ne me sentais pas vraiment... Parce que quand moi, je suis arrivé ici, tout le monde disait, ah, le flamand est comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Je dis, putain, moi je suis pas comme ça, tu vois. Et comment le flamand? Visionne, travailleur, courageux, machin. Tu sais, c'est pas toi ça, c'est non, clair. Mais non, c'est pas moi. tu vois. C'est pas vraiment moi. Tu vois, c'est cliché. Mais Bart, moi j'aime bien un peu titiller aussi, mais t'es quand même un homme d'affaires, quoi. À ta manière, t'es quand même un homme d'affaires. Non, je suis un petit commerçant. Je ne suis pas un homme d'affaires. Pas du tout. Un homme d'affaires, c'est autre chose. Hein. Non, mais quand je parle d'affaires, ça veut dire que... Comment je pourrais prendre pour caricaturer, pour que tu comprennes, l'homme d'affaires, bon, lui, ce qui compte, c'est son chiffre d'affaires. Tu vois, c'est son chiffre. Voilà. Oui, mais évidemment, je suis un commerçant. Il y a des petites responsabilités. Il faut voir que ton personnel est payé. Il faut voir que ton loyer est payé. Ça, c'est la réalité. Tu peux pas. Ça, c'est normal. Oui. Ça n'a rien à voir avec être homme d'affaires. ça, c'est tout. Tout le monde est devant le même problème. À la fin du mois, il faut voir que ton bilan est positif. Le premier qui t'emmerde, si tu fais année sur année du perte ou pas assez de bénéfice, c'est l'État qui commence à t'emmerder. Il faut payer ton TVA à temps. Mais ça évidemment, oui. Ça... Oui, mais c'est... Moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que... À part le café et voilà le chiffre d'affaires, blablabla. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie en parallèle de ça? Ah moi je quoi je... Parce que notre rencontre par exemple, on pourrait en discuter. Ce radio camio qui vient discuter ou essayer d'amener un petit peu de la culture dans ton café, c'est pas si évident que ça de se pointer dans ton café, de dire tu vois il faut. Est-ce que tu vois un peu, ou tu veux que je décrive encore mieux? C'est pas si évident de se comprendre. Ça, j'ai pas compris. Bon. Non, le bistrot, c'est mon boulot. Je paye mon loyer avec ça, je paye ma nourriture, c'est mon boulot. C'est vraiment devenu un boulot. Ça fait quand même 17 ans. Parce que moi, je m'intéresse, je m'implique un peu dans la vie politique de ma commune. Ça m'intéresse. Comme quoi, par exemple, tu fais quoi exactement? Je viens de le dire. Je suis oui, mais ça veut dire quoi? Quoi? Quand tu dis que tu t'impliques dans le CPS, ben, ça veut dire quoi en fait? Je suis avec Jean, mon ami, au conseil du CPS. Et là, on essaye quand même de faire un politique sociale pour cette commune, que les plus démunis arrivent quand même à survivre ici. Ok, mais vous y prenez comment pour faire ça? Parce que tu dis que tu es au conseil du CPS, mais ça veut dire quoi concrètement? Le conseil du CPS, ben, on mène une politique de gauche au CPS. C'est-à-dire? C'est-à-dire que... Moi, j'aime bien les choses concrètes, quoi, tu vois, genre qu'on comprenne, hein, ok, tu vas une fois par semaine à un conseil avec d'autres gens au CPS pour discuter ou pour mettre en place des choses très concrètes. Mais quoi, par exemple? Attends, hein, parce que... Quoi? Je dois réfléchir, mais je dis pas des choses que normalement sont sous huis clos. Je veux dire quelque chose? Oui. J'ai fait... Dites-moi. C'est parce que ça m'amuse de ne pas couper le micro. Dites-moi. J'ai fait... Bon, je coupe le micro. Mystère. Alors, qu'est-ce qui se passe là, maintenant? Quand on dit... un exemple de mener un politique de gauche, c'est qu'on continue, on commence très jeune à suivre les gamins dans les écoles. Et on essaye de le plus possible de jeunes des quartiers de les financer qui peuvent faire des études universitaires. Et il y a quand même des gens qui grâce à l'aide du CPS font des études brillantes, parce que de nouveau comme les sociétés évoluent, ce n'est plus aussi évident que un jeune dont son père est chômeur et sa mère n'a pas de boulot qui fait des grandes études. Un autre exemple est avec le CEMOM, que les enfants... Avec quoi t'as dit? Avec le CEMOM. C'est le CEMOM. On précise CEMOM, en deux mots. Le CEMOM. Mais là, on fait des, ils font plein d'animations avec les enfants des quartiers. On les sort, ils font des activités, tu vois. Et un politique de gauche sait que ben, on a de l'empathie avec les gens qui ont les problèmes dans cette société de consommation aujourd'hui, qui sont un peu exclus, parce qu'on a de plus en plus d'exclus. On a de plus en plus d'exclus parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, parce qu'ils sont pas, ils n'ont pas fait des grandes études, parce qu'ils ne trouvent plus de boulot. Et on fait quand même plein on essaye le plus possible de les aider où ils ont besoin d'être aidés. À trouver un boulot, apprendre à solliciter. Oui, c'est pas évident déjà pour quelqu'un qui, on va dire, vient d'une famille où il n'y a pas de problème, où il y a de l'argent. C'est déjà compliqué en soi. Tu vois ce que je veux dire ? Même dans des parcours moins compliqués, le travail, par exemple. Hein ? Oui, c'est pas évident. Mais concrètement, quoi, vous faites un conseil ? Vous êtes à plusieurs autour d'une table ? Non. Et le plus grand travail est fait par les assistantes sociales. On fait, le président fait une ligne politique générale. Et dans ce cadre-là, les assistantes sociales, les assistantes sociaux, en français c'est comme ça, font un suivi, font leur boulot. Et normalement, toutes les semaines, c'est le conseil qui regarde tous les dossiers, ensemble avec du personnel du service social, et on discute le quoi et le comment on va aider. Ça va très vite parce que normalement, en 90% des cas, on suit l'avis de l'assistante sociale. Mais c'est eux qui font le boulot. Nous, on décide de nouveau dans les lignes politiques du président. Ensemble avec différents élus de différents partis. Des MR là-dedans, des écolos, des socialistes. C'est quand même un petit mini conseil communal, mais du CPS. Ah oui, t'as quand même un petit pied alors dans la vie associative, politique, quoi. Oui, j'ai surtout un tout petit pied, ce qui se passe chez les plus démunis. Oui. Pourquoi et pour... Oui, on très sans nous vanter, on peut parfois faire la différence dans la vie d'un jeune ou dans la vie d'une famille qui a un gros souci dans la vie, qui peut reprendre son élan avec un aide. Oui, pour ça le CPS quand même c'est le minimum. Oui, et c'est pour vivre. Oui. Mais il y a des gens qui sont au CPS, qui vont sans doute toujours être au CPS parce que quelque part, ils savent plus, ils fonctionnent plus dans cette société pour X ou Z raison. Mais il y a des gens qui ont qui divorcent, qui doivent quitter, qui ont un problème de la vie, qui est temporaire et qui grâce aux assistantes sociales et à un aide financier ou à notre aide, qui peuvent redémarrer dans leur vie. Pas tout le monde qui est au CPS est là toute sa vie. Il y a beaucoup de gens qui passent. Il y a beaucoup de gens qui sont là un petit moment parce qu'ils ont besoin d'aide, parce qu'ils n'ont pas de famille ou ils n'ont pas un réseau social pour leur aider. C'est à ce moment-là que c'est très important que les CPS sont là. Ça, c'est à un côté. Pour le reste... Oui, moi je viens au boulot ici, je fais mon boulot. À l'Union ? À l'Union, oui. Et je suis très passionné de photos. J'ai beaucoup d'amis où je prends des photos avec, on discute de photos, on prend des photos. Et une autre chose, je fais beaucoup de motos. Une fois que mars, le printemps arrive, les week-ends... Je fais de la moto. Ma vie n'est pas très compliquée, et très simple. Ta vie est toute tracée. Non, c'est pas toute tracée, mais c'est des choses que je fais depuis toujours. Et il y a des moments dans la vie que tu as plus de boulot, que tu fais moins ça. Et maintenant, je calme un petit peu, j'ai beaucoup de bol. Mon fils travaille avec moi. Ça prend quand même un peu de responsabilité que lui prend, que moi je peux m'éclipser un peu plus. Non. Et... Ouais. C'est marrant parce que, ouais, donc d'une main, t'es un peu, je rigole quand je dis ça, hein, chef d'entreprise, je rigole. Et de l'autre, t'es assistant social. Non, je suis pas assistant social. On est serait quoi assistant alors social. On n'est pas assistant social. Non, parce qu'assistant social, c'est un boulot, c'est vraiment un boulot. Aider quelqu'un comme ça, c'est pas ça être assistant social. C'est un travail, c'est travailler avec les gens et c'est pas donné à tout le monde. Et moi, je suis pas assistant social. Nous, on prend des décisions sur les avis des assistants sociaux, sur les professionnels. Nous, on prend des décisions plutôt politiques. Non, sous-estime pas. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ce boulot. C'est un boulot très dur. C'est très mal payé. Il faut être patient. Il faut être passionné, il faut être patient. Non, c'est un boulot très dur, non. Respect pour le... Et surtout, à Bruxelles, c'est mieux payé en Flandre et en Wallonie. Ah ouais. Comment tu sais ça, toi? T'es renseigné? Ben non. Comment tu sais ça? Je connais quand même beaucoup d'assistantes sociales. Et un des trucs ici à Bruxelles, c'est... Je dis, merde, on ne trouve pas des assistantes sociales néerlandophones ici. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que quand ils sont flamands, ils gagnent bien meilleur leur vie en Flandre et en Wallonie. Même en Wallonie, c'est mieux payé. On le sait parce que tout le monde le sait. Dans le milieu, c'est pas un grand secret. Mais on est de nouveau au CPS. Mais quoi? Et alors, Bart, tu crois pouvoir changer les choses? Tu crois... C'est pourquoi tu fais ça, en fait? Pourquoi... Je ne pense pas que dans mon niveau, on va changer les choses. Je pense que les choses vont changer. Je pense vraiment que... comment ça évolue, cette société? Ça ne peut pas continuer comme ça. Les gens, tu le vois, les gens, on en a marre de cette austérité. Les gens, ils ont envie d'autres choses. J'espère que le politique va en tenir compte. Quand tu vois ce que les Grecs, les gens qui ont voté en Grèce, ils ont quand même voté pour un changement. Oui, mais ça ne veut pas dire que ce changement va arriver, hein. Non, mais c'est déjà un bon début. Oui, les gens sont. C'est nous qui on vit dans une démocratie, hein. C'est nous qui devons. Mais ici, j'étais très déçu en Flandre de ces élections. Tu vois, j'ai pu en attendre, hein, comme j'étais flamand et en plus j'ai le même nom. Je l'ai entendu, hein. Pas de la même famille. Non, on n'est pas de la même famille, non. On n'est vraiment pas de la même famille. Non, moi je viens plutôt... Je disais, mes parents sont plutôt... c'est aussi des commerçants. Mon père était chauffeur de bus et ma mère était couturière. Et à certains moments, ils ont commencé un commerce. Et moi, je suis tombé dedans, j'avais quand même déjà 35 ans. J'avais quand même travaillé comme ouvrier ou employé longtemps avant de venir ici. Et quoi, l'Union, elle est ouverte du lundi au dimanche? Tous les jours, du matin jusqu'au soir. Tous les jours? On est ouvert tous les jours. On a toujours été ouvert tous les jours. Même quand c'est férié, même quand il y a une grosse manif, même que... Oui, parce que quand il y a une grosse manif, les gens qui manifestent, ils aiment aussi bien boire un verre après. Pendant les derniers manifs, mon personnel a préféré rester ouvert. C'était pas... La grève n'était pas vraiment contre les petits commerces. Non. Et évidemment, c'est... Être patron d'un bistrot est gay, hein, parce que tu rencontres quand même des personnages et moi j'ai vu des gens ici que je dis mais comment un jour, un dimanche matin, j'arrive ici et je tombe bêtement sur Benoît Poulvord et on a passé toute l'après-midi ensemble. Ici dans le café? Oui. Et il est revenu plusieurs fois parce qu'il filmait un peu dans le coin et c'est gay. Tu vois, malgré qu'il était quand même souvent un petit verre dans le nez, mais allez, ça c'est un exemple. J'ai quand même vu des gens ici que je dis tiens, comment ça se fait qu'il arrive ici? Et parfois tu arrives à discuter, parfois les gens viennent juste boire un verre. Tu ne les emmerdes pas pour demander un autographe. Mais... Oui, enfin, et en même temps, il ne faut pas être spécialement connu ou reconnu pour qu'il se passe quelque chose de chouette dans ton café. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà, des fois, tu fais des connaissances avec des gens inconnus et c'est super chouette. Moi, j'ai vu un défilé de gens que j'ai rencontrés ici et même pas les clients, tous les étudiants qui ont bossé ici. Que par après, tu vois dans une pièce de théâtre ou dans une publicité ou dans un film, c'est gay. Il y a même des gens que du début qui ont travaillé ici que j'ai oublié et que je vois des années après ou des clients que je connais depuis 17 ans qui sont venus ici et qui viennent encore et qui ont quatre, j'en connais un couple, ils ont quatre enfants. Et ils viennent maintenant ici le samedi après-midi manger un spaghetti avec leurs enfants. Oh, c'est beau, Bart. Aux brasseries de l'Union, c'est beau. Oui, parce que le fait qu'on ne fume plus dans les bistrots, ça a beaucoup changé. Hein. Qu'est-ce qui a changé à moi? T'as vu une différence? Tu as vu une différence? Ah oui, quand même tout à fait. Beaucoup de gens qui ne venaient plus dans les bistrots, qui viennent de nouveau dans les bistrots. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui. Beaucoup de gens ont eu peur de ça. Non, moi, j'ai toujours su que c'était une très bonne idée. Même mon personnel, ceux qui fument, disent oh, c'est quand même beaucoup plus chouette. Ça a quand même beaucoup changé. Et puis, ça va de soi que celui qui fume, je trouve, c'est hyper logique. Hein. Si je fume et que tu ne fumes pas, je ne vais pas t'imposer ma fumée, je vais dehors. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve ça très logique. Hein. C'est quand même aussi gay de boire un verre, de discuter et d'avoir un cendrier, fumer une cigarette. Ouais, bah alors tu le fais chez toi, tu vois. Non, moi, je trouve que dans les endroits publics, on n'a pas... Enfin, si tu fumes, tu empestes pas celui qui n'a pas envie de fumer. C'est logique, quoi, tu vois, logique. Ou alors tu fais des cafés fumeurs et des cafés non fumeurs. T'as toujours le choix de rentrer ou de ne pas rentrer et d'aller quelque part où on ne fume pas ou... On fume? Oui. Ici, c'était toujours très enfumé. Ça, la nicotine coulait du mur parce qu'on faisait quand même une fois par an le grand nettoyage. Et quand tu nettoyais les murs, c'était horrible. Et tiens, parce qu'on arrive tout doucement à la fin, et puisque c'est arrivé il n'y a pas longtemps, tu dois aussi sentir des fois... Allez, comme l'événement du 7 janvier avec Charlie Hebdo... T'as dû sentir aussi dans ton café des émotions, non? T'as pas senti ça par rapport à cet événement? Oui, parce que les gens discutent. Hein. Bah, oui. Le matin, les gens sont ici avec un journal et ça discute. Il y a des opinions. Il y a plusieurs générations qui viennent ici. Et c'est, oui, c'est comique de voir les réactions de l'un ou de l'autre. Et parfois, tu reçois des réactions. Je dis, ah, mais ça, j'avais pas pensé de lui. Évidemment, oui, sur tous les événements, les gens discutent. C'est ça qui est gay dans ce bistrot, qui a encore un vraiment... maintenant, le comptoir est plein, là, et les gens sont en train de... C'est des gens qui se connaissent pas forcément, toujours. Oui, et puis ça tape la causette, quoi. Ça tape la causette, et ça tape sur l'actualité, et ça discute, et parfois ça engueule, ouais, comme dans un bistrot. Tu dois des fois intervenir, mettre des gens dehors ou quoi aux caisses? Ou ce sera rare? Oui, ça c'est très rare. Oui, quand on voit que quelqu'un est déjà chez le ZAT, on préfère qu'il revienne un autre jour. Non, non. Non, non, non. Les gens ne commencent pas à se battre parce qu'ils ont une divergence d'opinion ou un... Non. C'est intéressant à savoir, ça, quand même. Les gens ne se battent pas, quoi, même s'ils ne sont pas d'accord. Non, non, c'est très rare non, qu'on ne contrôle pas ça, non. Non. On est vigilant, hein. C'est tout. Non, les gens sont quand même... j'ai quand même une clientèle plus ou moins civilisée. Non, c'est bien, ça. Ça fait au moins 10, 12 ans que j'ai plus un bagarre ici. Eh bien, on va trouver un peu le mot de la fin. Bart, qu'est-ce que tu profiterais du micro, là, pour donner les mots à réfléchir, à sourire, à... C'est la fin, quoi. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens qui vont écouter ? Un grand vérité ou quoi ? Ou une grande phrase philosophique ? À toi de voir. Rien. Les bons avers à l'Union. Manger la spaghette. Viens causer. Ok, j'arrive. Oui. Ça va ? Oui. Mais merci, Bart. Ouais.